LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Ce qui nous a frappé, c'est que Bernard Arnault élève ses enfants effectivement comme on entraînerait des chevaux de course. Non seulement il les entraîne, il les exerce, il les pousse à avoir les meilleures notes, il surveille très étroitement leur éducation, mais d'une certaine façon, il les met aussi en compétition. Lui-même, il a été éduqué par un père et un grand-père qui prêtaient beaucoup d'attention à son éducation intellectuelle, à ses diplômes. S'il a fait Polytechnique, ce n'est pas pour rien, c'est parce que son père et son grand-père l'avaient conçu ainsi. Et il a, d'une certaine façon, reproduit avec ses propres enfants l'éducation qu'il avait reçue. C'est-à-dire une éducation avec des principes très dur, une discipline de fer sur les résultats scolaires, puis après sur l'orientation, les choix que l'on fait. Et puis, il a quand même dû s'adapter à la personnalité de chacun. C'est intéressant chez un homme qui est hyper rationnel, cette confrontation au principe de réalité. Le mérite en héritage. Les écoles du pouvoir. Rémi Dybowski-Douatte, Anne de Pelchin. Bernard Arnault fait partie de ces hommes qui croient à la force des grandes écoles dans l'éducation intellectuelle des enfants. Raphaël Baquet, journaliste. Auteur avec Vanessa Schneider de Succession, l'argent, le sang et les larmes. Il est intraitable sur les diplômes. Et il y a une école qui, à ses yeux et dans son panthéon, au sommet de son panthéon personnel, c'est l'école qu'il a faite lui-même, l'école polytechnique. Bernard Arnault, et c'est pas du bluff, pour chacun de ses enfants, les a fait travailler leurs devoirs de maths. Leur a fait faire les devoirs. Normalement, écoutez, les trois quarts des patrons, franchement, délèguent ça à des gouvernantes ou à des professeurs payés pour faire des cours supplémentaires. C'est pas du tout son cas. Antoine Arnault raconte d'ailleurs qu'il devait aller au bureau de son père et que son père lui donnait une série d'exercices de maths, puis aller à un rendez-vous et quand il revenait, ils corrigeaient ensemble. Et il a fait ça pour chacun de ses enfants. Il a révisé Polytechnique, notamment avec Alexandre et Frédéric, qui sont les deux garçons qui sont montés le plus près de Polytechnique, et Frédéric qui l'a reçu brillamment. Frédéric, qui est le plus doué au fond des enfants, en tout cas en termes d'études, avait réussi et Normal Sup et Polytechnique la même année. Il est allé assister aux oraux de maths de son fils. Et il a tout mis en œuvre pour que Frédéric choisisse Polytechnique comme il l'avait fait lui-même. En fait, Bernard Arnault avait très peur que Frédéric choisisse Normal Sup, c'est-à-dire, au fond, la recherche fondamentale en sciences, ce qui aurait pu être une voie, bien sûr, possible. Or, il pensait que pour en faire un héritier qui reprenne une entreprise, mieux valait apprendre la finance et le management très concret, ce qu'on peut effectivement apprendre à Polytechnique. Et pour mieux convaincre son fils de choisir l'X, il a fait monter au créneau tout ce qu'il connaissait comme patron ami ou conseiller ami de la famille. Il a demandé à Alain Minc, à tout un aréopage de patrons, de faire une forme de lobbying auprès de son fils pour le convaincre de choisir Polytechnique, ce que finalement a fait Frédéric. Avec peut-être une petite pointe de regret, parce que c'est un garçon qui aimait aussi la recherche fondamentale et les mathématiques pour les mathématiques. Ce qui frappe, c'est à quel point il a la religion des grandes écoles, comme beaucoup de Français, c'est vrai. Il pense que les grandes écoles sont aussi un mode de sélection. Et pour lui, c'est une sélection par l'effort. C'est en ce sens-là qu'il aime les grandes écoles et qu'il leur fait confiance. Hein. Et il considère que si l'un ou plusieurs de ses enfants est capable de passer ce barrage de la sélection, quand même très dur, il faut bien le dire, que sont ces grandes écoles, à ce moment-là, il leur a montré sa capacité à fournir un effort suffisant et sa capacité à être sur la même ligne de départ que tout le monde. Alors c'est une religion de la méritocratie qu'aujourd'hui les sociologues remettent en question, puisque on sait bien que bon, dans ces grandes écoles, il y a beaucoup d'enfants de cadres supérieurs ou d'enseignants. Mais c'est quand même une forme de méritocratie, en tout cas à l'égard de l'extérieur, plus importante que le simple fait d'arriver en héritier, bombardé à un poste de direction sans avoir jamais rien fait de sa vie. Paul Pasquali, sociologue chargé de recherche au CNRS. On entend par méritocratie un idéal de société dans lequel chaque individu pourrait, en fonction de ses compétences, de ses talents et de ses efforts, obtenir la place sociale qui lui revient. Une société dans laquelle les biens rares ou les places les plus valorisées seraient réparties en fonction des compétences de chacune et de chacun. On a le sentiment qu'en France, ce mot-là a un statut particulier. Oui, tout à fait. Alors, d'une part, c'est lié à l'histoire politique de la France et à la rupture qu'a représentée la Révolution française en 1789. Révolution française qui a mis en avant le principe du mérite contre le droit du sang, contre l'aristocratie, la noblesse. Et donc, du coup, la bourgeoisie, en ascension à cette époque-là, a mis en avant ses mérites, hein, contre le droit du sang. Et le système scolaire, tel qu'il a été conçu ensuite, notamment sous la Troisième République, a repris cette conception et l'a érigée, y compris dans les lois, dans les principes constitutionnels, en principe fondamental régissant le fonctionnement de la société et, au moins en principe, la régulation de l'accès aux positions les plus valorisées, aux positions de pouvoir. Comment apparaît ce terme de méritocratie ? Alors c'est un terme au départ qui est récent, qui date de la fin des années 50, qui a été inventé par le sociologue anglais Michael Young dans son livre La méritocratie en mai 2033, donc qui a été traduit à la fin des années 60 en français. Et au départ, ce sociologue l'a utilisé dans un sens très sarcastique, dans une sorte de roman dystopique dans lequel il décrivait une société du futur en plein chaos, mise à feu et à sang par une coalition de prolétaires et de féministes qui se battaient contre cette aristocratie du talent qui avait pris le pouvoir dans cette société dystopique. Donc c'est une utopie qui a viré au cauchemar, et cette utopie consistait à répartir toutes les places strictement et exclusivement en fonction du mérite, mesuré notamment au diplôme et au quotient intellectuel. Et donc ce que décrit Michael Young avec beaucoup de sarcasme, en fait, c'est l'évolution des sociétés occidentales qui ne font confiance plus que au diplôme et à l'intelligence et oublient en fait justement ces autres formes de mérite qui existent aussi, hein, et à force de fonctionner sur ce système là et de ne faire confiance que au mérite, eh bien on en vient à une société dans laquelle ceux qui n'ont pas réussi scolairement sont considérés comme ayant démérité, donc responsables de leur échec. Ça crée de l'apathie, il n'y a plus du tout de conscience critique, de sentiment de sa dignité, de justice, et donc ça crée une société très clivée, dans laquelle les droits élémentaires ne sont plus respectés et qui finit par imploser. Donc au départ, c'est dans un sens très critique que ce terme de méritocratie, ce néologisme apparaît, et ensuite on va un peu petit à petit oublier en fait la charge critique du terme, à mesure que la critique même du système basé sur le mérite va s'affaiblir et se retourner, et avec le retour en force des défenseurs de l'élitisme, notamment en France, dans les années 80-90, le terme va acquérir à nouveau un autre sens, un sens positif, hein. La méritocratie, c'est ce qui reste quand on a tout fait pour combattre les inégalités. Bon, mais il reste au moins ça. Je m'appelle Gabriel, je suis actuellement en train de faire une thèse de sociologie politique sur la Guinée, Conakry, à Sciences Po. Et j'ai fait avant une prépa Henri IV en littéraire, et j'ai intégré l'école normale en 2016 avant de m'engager en thèse. Moi, mes parents, ils sont journalistes, ils ont fait Normal Sup. Je suis né dans le 11e arrondissement, boulevard Voltaire, mais il se trouvait que le secteur où j'étais, enfin, l'endroit où j'étais, dépendait d'un collège dont ma mère avait entendu dire qu'il n'était pas très bon, etc. Et Elle rêvait un peu que j'ai un jardin, un parc à côté, et que je sois dans l'endroit où, en fait, il y avait les meilleurs collèges pour pouvoir y avoir accès. Et donc, en fait, on a déménagé dans le 5e, à ce croisement entre la rue Gay-Lussac, la rue Claude Bernard, la rue d'Ulm, qui vient du Panthéon, et la rue des Feuillantines qui vient du Luxembourg, en fait. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'étais dans ce qu'on décrivait comme le mauvais collège du 5e. Les parents de mes copains, mon meilleur pote, qui est toujours mon meilleur pote, lui, sa mère est infirmière. Il y avait beaucoup de fils de gardiennes à l'époque, dans ce collège, avec qui je m'entendais bien, mais c'était plus. Évidemment, on venait pas exactement du même monde. Je dis pas que c'était un brassage social monumental, mais un peu, quoi. On n'était pas exactement entre soi. Le passage au lycée, c'est autre chose. Au lycée, c'est vraiment le moment où le goulot s'étranglait, quoi. C'est un moment où j'étais quasiment que avec... En fait, certains de mes amis étaient au lycée Montaigne, d'autres étaient au lycée Henri IV avec moi. Henri IV, c'est un lycée qui est donc sur un lycée de la Montagne Sainte-Geneviève et qui, avec Louis le Grand, qui est l'autre grand lycée du quartier, sont des lycées d'élite, donc avec un recrutement spécifique où on devait envoyer un dossier avec nos notes de brevet, de collège. Et c'était un recrutement donc un peu à part de la carte scolaire. Et il faut être premier partout. En fait, ça dépend. Si vous êtes dans un très bon collège, il faut être dans les trois premiers. Si vous venez d'un collège moyen, il faut vraiment être premier, ouais. Mais là, il y avait... c'était que des... Les parents n'étaient plus tellement infirmiers ou gardiens. Enfin, là, c'était des gens qui étaient... C'est la première fois que j'encontrais des enfants de gens connus. Le père ou la mère avait une chaîne de quelque chose qu'on connaissait. Aussi des intellectuels, c'est vrai. Des fils d'eux, mais dont j'étais aussi, d'une certaine manière. La preuve, c'est la facilité avec laquelle je me suis intégré à ces gens-là, qui sont devenus mes amis. Et au début, je singeais un peu un personnage, quoi. Quelque chose de hautain. Henri IV, c'est pour ça que je dis c'est plus hypocrite presque comme truc, c'est qu'il y a ce côté, on est d'un monde social assez élevé, mais en plus, on a tous été des bons élèves. C'est vrai qu'il y a de la diversité. Si vous prenez la cour de récré, il y a de la diversité. Il y a plein de gens qui viennent de la cordée de la réussite, et qui sont sympas, et qui ont été mes amis. Mais alors déjà, quand on commence une filière littéraire, ensuite, ils sont plus là, ils sont en maths. Et ensuite, c'était mes potes, mais enfin, c'était pas mes amis, quoi. Au lycée, ils étaient... À Henri IV, ils étaient, c'est vrai, tous parisiens. Et une partie de ma bande, c'est des amis qui n'étaient pas forcément les plus frais, disons, mais c'était les plus intelligents, quand même. Et les meilleurs élèves, et avec eux, je me suis très vite, quand même, aussi... surtout quand je suis rentré en L, et que j'étais beaucoup plus dans des matières que j'aimais... Et donc j'ai eu cette bande, et en même temps, cette autre bande avec laquelle je faisais plus la fête, et qui, eux, n'ont pas forcément continué en prépa. C'était eux les plus riches, enfin je veux dire, eux c'était des... Et aujourd'hui, ils gagnent 10 fois ce que je gagne, et ils gagneront toute leur vie 10 fois ce que je gagne, probablement. Il y a 20% de crétins partout, je présume que la proportion est la même parmi vous. Je suis heureux et fier de diriger cette école qui n'a pas d'équivalent dans le monde, et qui symbolise la méritocratie à la française. Cette année, votre promotion compte un fils de pêcheur, Monsieur Marchand. Où est Monsieur Marchand ? Et un fils d'ouvrier, Monsieur Ribeiro. Voulez-vous lever la main, Monsieur Ribeiro ? Soyez honnête, rigoureux, ponctuel. Observez votre devoir de réserve et soignez votre style. Très vite, vous-même, vous serez des formateurs. Associez vos personnels à l'élaboration de vos décisions, en particulier lors de vos stages en préfecture et en entreprise. Enfin, je vous rappelle l'importance des réseaux et vous recommande de vous lier les uns avec les autres. Et n'oubliez jamais que vous servez la grandeur de la France. Paul Pasquali, vous avancez le terme d'héritocratie. Alors l'héritocratie, j'entends par là les capacités de résistance et de mobilisation des grandes écoles pour défendre leurs intérêts, leurs modèles et leur autonomie telles qu'elles apparaissent dans l'histoire, en fait, hein, depuis 150 ans. Donc l'idée, en créant ce terme, c'est de montrer quelque part la vérité objective de la méritocratie, c'est-à-dire que au lieu de regarder les grandes écoles, les filières d'élite telles qu'elles se voient elles-mêmes et telles qu'elles aimeraient qu'on les perçoive, on observe en fait la façon dont elles se conduisent réellement, dont elles sont. On voit que à chaque fois que les grandes écoles ou les filières d'élite ont été menacées, il y a eu de la résistance. Et le plan Langevin-Wallon, qui avait été élaboré par la résistance, notamment la résistance communiste à la libération, a totalement échoué, alors qu'il a été au cœur d'une réflexion profonde menée par des grands esprits, hein, Langevin-Wallon en étant les symboles, pour repenser un système plus juste, plus démocratique, dans laquelle il n'y aurait plus de distinction fondamentale entre universités et grandes écoles. Autrement dit, il y aurait un système unifié d'enseignement supérieur et on aurait accédé, si ce plan avait été concrétisé, à des écoles d'application au terme d'une scolarité faite dans des cursus communs à l'université et en l'absence de classes préparatoires, puisque l'idée était dans ce programme hérité de la résistance de faire deux années de propédeutique pour tout le monde. Joué à nouveau en 68, a à nouveau cristallisé une opposition entre les filières d'élite et les autres, puisque en 68, on l'oublie souvent, hein, on pense toujours à la Sorbonne ou à Nanterre, bon, mais en fait, il y a eu une très grande mobilisation chez les étudiants des grandes écoles, et parmi les revendications, on avait notamment le rattachement des grandes écoles aux universités, la fin des classes préparatoires, des pédagogies moins verticales, et plus largement, la fin d'une sélection qui se faisait beaucoup sur le capital culturel hérité, qui est un terme qui apparaît à la même époque, et aussi sur l'argent. Et la réponse ne s'est pas faite attendre, puisque Edgar Faure, pensant bien faire, a proposé, dans un premier temps, faire une loi commune aux grandes écoles et aux universités qui devait rénover l'enseignement supérieur, créer davantage de participation, de pluridisciplinarité et d'autonomie, mais mettait quelque part les grandes écoles et les universités sur le même pied d'égalité, et en réalité, les grandes écoles n'en ont pas voulu. Et elles se sont mobilisées à travers des relais politiques, y compris plus au sommet de l'État et au niveau du gouvernement de l'époque, avec des menaces, etc. Et elles ont obtenu de ne pas figurer dans la loi. Donc la loi Faure, qui a redessiné l'enseignement supérieur après 68, ben, en fait, les grandes écoles ont été dispensées. Si tu viens pas d'une famille d'énarques, hein, si t'as pas fait Sciences Po ou Polytechnique avant de passer le concours, t'as peu de chances de sortir dans la botte et d'accéder au grand corps. Si on change le mode d'accès au grand corps, on change l'ENA. Si on change l'ENA, on change le profil des élites au pouvoir. Donc on change la société. La promotion Charles de Gaulle, ça vous dit quelque chose? Eux aussi récusaient le système d'attribution des postes en fonction du rang de sortie. Ils ont juré, s'ils avaient les grands corps, de les refuser. Et ils l'ont fait? Pour la plupart, ouais. Et si on faisait pareil? Les socialistes et les communistes, dans leur programme commun donc, qui avait été négocié et signé en 72, avaient notamment mis dans leur priorité la fusion des grandes écoles ou le rapprochement des grandes écoles et des universités. Donc une fois que le candidat Mitterrand a été élu en 81 et que donc les socialistes sont arrivés au pouvoir, s'est posé immédiatement la question du sort des grandes écoles. Et de fait, ce sont les grandes écoles, les premières, qui se sont faites entendre parce qu'elles se sont senties menacées. Et finalement, cette remise en cause n'a pas vraiment eu lieu, dans le sens où le symbole de ce renouveau incarné à l'époque par François Mitterrand et la gauche socialo-communiste, ça a été cette réforme de l'ENA, qu'on appelait donc la troisième voie, et qui consistait à démocratiser enfin la haute fonction publique, plus largement les élites dirigeantes en France, et également à faire émerger davantage ce qu'on appelait la société civile dans les hautes responsabilités. Donc en créant une voie dérogatoire qui consistait à instaurer des épreuves d'admission spécifiques, avec des jurys spécifiques, un classement spécifique, pour un profil de candidat qui n'était pas concerné par le concours de l'École nationale d'administration. Et cette manière de diversifier le recrutement de la haute fonction publique a froissé, a braqué ceux qui sont issus de ces grands corps et dès 1986, quand la droite est revenue au pouvoir, elle a voté l'abrogation de cette voie. D'ailleurs, ceux qui étaient les plus hostiles étaient eux-mêmes des anciens élèves de l'ENA ou de Sciences Po. Et finalement, il n'y a eu qu'une trentaine de candidats qui ont été recrutés par cette voie-là. Et il ne faut pas oublier que ceux qui sont rentrés à l'ENA par la troisième voie ont vécu une série d'humiliations, on ne les invitait pas aux cérémonies. Dans les annuaires, ils étaient affublés d'un astérisque avec écrit « élève rattaché à l'ENA ». Et ils n'avaient, pour certains, on raconte qu'ils n'ont pas pu avoir le logement de fonction ou la voiture de fonction dont ils avaient droit en tant qu'élève stagiaire une fois qu'ils avaient obtenu le concours. Adam Poupard, étudiant à l'École Polytechnique en quatrième année et maintenant en double diplôme à Sciences Po et à la Sorbonne. Après le baccalauréat, avec la volonté d'aller déjà en école d'ingénieur, elle rejoint la prépa Sainte-Geneviève à Versailles. C'est une prépa où on est nécessairement en internat. C'est une prépa effectivement qui est assez élitiste. C'est un peu, je pense, quelque chose qui est partagé dans toutes les prépas, mais deux ans de tunnel, deux ans où on arrête un peu de penser, on tourne le cerveau sur off. C'est un peu quelque chose de paradoxal quand on voit rétrospectivement le travail qu'on a fourni. C'est deux années où, en général, on coupe toutes les autres occupations. Mais c'est un mécanisme qui est, je pense, assez discriminant, en fait, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de couper le reste. Il y a des gens qui ont besoin de trouver de l'argent, des gens qui ont besoin d'aller chercher des bourses aussi pour aller étudier. C'est quelque chose qui est chronophage et difficile. C'était votre cas ? Ce n'était pas mon cas. Vous êtes de quel milieu ? Je sais pas si j'ai envie de répondre à ça. Je suis CSP+, quoi, mais... Vous avez pas envie de vous étendre là-dessus, on dirait. Non, effectivement, enfin... Moi, j'étais en classe MPSI, donc maths, physique et sciences de l'ingénieur. Et pour une journée classique sans activité, ouais, c'est, je pense, 8 heures de cours. On termine à 18h et après, on travaille de 18 à 20, puis de 21 à 23, quoi. Donc, c'est souvent par 2 ou par 4 heures de maths et de physique à peu près quotidiennes, complémentées avec des cours de français, d'anglais, d'école aussi. C'est quelque chose qui est très particulier à la prépa et qui perdure, mais qui participe beaucoup aussi à la construction du capital culturel de la prise de parole en public, qui est assez particulière aux étudiants en prépa et que beaucoup d'étudiants dans d'autres cycles ont beaucoup plus de mal à acquérir. Donc c'est quelque chose, je pense aussi, qu'on retrouve aussi dans les difficultés de certains élèves, et souvent des élèves qui viennent de CSP un peu plus défavorisés et qui ont plus de mal à prendre la parole en public. Et on voit aussi que cette construction de la prise de parole, en fait, elle est antérieure à la prépa, et c'est aussi beaucoup une question de confiance qui a pu être insufflée dans les élèves déjà via leur éducation primaire et secondaire, quoi. Je suis Stéphane Benveniste, donc économiste. Je suis post-doctorant à l'INED et j'ai soutenu ma thèse donc à l'École d'économie d'Aix-Marseille en 2021. Alors, vous avez travaillé sur la reproduction sociale dans les grandes écoles. Il y avait déjà un certain nombre de travaux sur ce sujet. Qu'est-ce que vous avez apporté au sujet dans la méthodologie ? J'ai travaillé sur le rôle central des grandes écoles les plus prestigieuses en adoptant une perspective historique sur environ un siècle et demi. Pour faire ça, en fait, j'ai collecté des données directement auprès d'une dizaine d'écoles, ce qui correspond à environ 400 000 étudiants, donc une personne sur 300 en France à cette période-là. Et je définis des caractéristiques particulières à partir des noms de famille. Ça va être des caractéristiques que j'appelle historiques, géographiques ou de lignée, qui vont être une ascendance noble, le lieu de naissance de l'individu et le fait que le père ait étudié dans une grande école ou pas. Et dans un deuxième temps, j'apparie ces données-là sur les diplômés à différentes autres sources nominatives, donc qui vont être les listes de conseils d'administration d'entreprise, l'ensemble des mandats politiques sur la deuxième moitié du XXe siècle, les récipiendaires de la Légion d'honneur et d'autres listes nominatives de cet ordre. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, la reproduction sociale a été étudiée sous le prisme de la profession paternelle. Et donc là, c'est quelque chose qui est assez nouveau et d'utiliser en fait une probabilité du diplôme du père dans une grande école, et c'est un indicateur d'origine sociale qui est bien supérieur à simplement une catégorie socio-professionnelle parmi 7. Et donc nécessairement, on ne peut pas trouver les mêmes résultats que quelqu'un qui exploite simplement la profession du père. Donc je pense au travail de Ria et Tello, d'Albouy-Evanec par exemple, ou même plus récemment de Julie Falcon et Pierre Bataille. Ils peuvent utiliser simplement la catégorie socio-professionnelle du père. Et donc là, on a un tableau qui est en gros une reproduction sociale, mais une tendance au déclin de cette reproduction sociale. Et vous, dans vos travaux, vous mobilisez d'autres outils qui vous font arriver à des conclusions différentes. Oui, c'est ça. Donc j'utilise le fait que le père était diplômé d'une grande école. Et ce que je trouve, c'est que les individus qui sont nés pendant la Belle Époque, donc c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, ont environ 150 fois plus de chances d'entrer dans une des 10 écoles que j'étudie si leur père a lui-même été un diplômé de ces 10 écoles. Et ensuite, ce que je vois, c'est qu'il y a une forte diminution pour les individus nés après la Première Guerre mondiale, et ensuite une stabilité totale de ce degré de reproduction sociale, avec donc en fait environ 80 fois plus de chances d'entrer dans une grande école quand notre père est lui-même diplômé d'une grande école, pour toutes les personnes nées dans les cohortes après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire entre 1916, en fait, là, dans mes données, à 1995, et donc qui rentrent dans les écoles depuis 1936. Donc l'entrée dans les grandes écoles les plus prestigieuses en France ne s'est pas vraiment particulièrement ouverte pour les enfants de l'élite depuis 1936. Le modèle de la méritocratie qui réduit le mérite à la réussite au concours crée presque par soi, par une sorte de magie sociale, par un ensemble de rites d'institutions dont le concours fait partie, mais il y en a d'autres derrière. Il crée une sorte de limite établie pour la vie, de limite d'essence, disait Pierre Bourdieu dans La noblesse d'État, et qui, malgré toutes les réformes et les transformations qu'on observe depuis une trentaine d'années dans la manière de former les élites et dans les cursus aussi des filières d'élite, perdure. Il y a toujours cette idée que le dernier reçu est séparé pour la vie du premier collé au concours, et dans la manière même de se percevoir, les étudiants des grandes écoles ont toujours l'impression d'appartenir à un monde tout à fait différent, radicalement différent, par exemple des étudiants des universités, et la réciproque est tout à fait vraie. Moi, je suis entré à l'école polytechnique en passant le concours classe préparatoire française, donc via la filière MP, option sciences de l'ingénieur, qui est une des options qui fournit le plus de places. Donc j'ai passé les concours écrits puis oraux en 2019, donc avec les oraux, avec tout un ensemble de codes sociaux auxquels il faut se conformer, donc notamment le type d'habillement pendant les oraux, même si tout le monde ne s'y plie pas, et certains ont la fierté de ne pas s'y plier, la plupart jouent la sécurité, comme on dirait, et viennent en chemise et pantalon souvent noirs. Donc l'idée est de donner l'image la plus positive, ou alors l'image la moins contradictoire avec celle des autres possibles. Il y a un peu un côté « c'est pas le moment de sortir du moule ». Mais la logique d'appartenance à un ensemble de corps aussi qu'il y a derrière l'habillement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé par la suite, notamment à l'école polytechnique, et qui a toute son importance. Ouais, dans une logique à la fois d'uniformisme, mais aussi de différenciation par rapport aux autres. Donc c'est un double mécanisme qui est quand même assez puissant dans la construction de l'esprit de corps, qui a ses avantages, et notamment le soutien mutuel, la solidarité et la fraternité qu'on puisse avoir dans ces groupes, mais aussi des phénomènes de ségrégation, d'écartement de l'autre, qu'il ne faut pas oublier. Et ce que j'en ai tiré, je pense que c'était quand même beaucoup de fraternité, de liens que j'ai pu tisser, souvent on le dit un peu comme ça, mais de liens à tisser dans la difficulté avec les membres de notre section. je pense que ça participe de façon majeure à créer le réseau polytechnicien qui perdure après. Comment est-ce que vous avez vécu l'homogénéité sociale à Polytechnique ? Ce qu'on constate pour le coup très rapidement, c'est la part très minoritaire des femmes. On remarque aussi assez rapidement le peu de diversité d'origine culturelle. Ça, c'est quelque chose aussi qui est marquant et ça se trouve dans les discussions souvent, notamment sur les idées préconçues, sur le rapport à la pauvreté. Il y a une projection dans l'emploi qui n'a rien à voir avec la réalité de la France. C'est aussi la façon dont sont vendues les écoles d'ingénieurs. Mais un chiffre qui revient sur toutes les plaquettes d'écoles d'ingénieurs, c'est le salaire de sortie. Salaire de sortie qui, en général, commence autour de 45 000 euros l'année en premier emploi. Bon, je ne vous fais pas de dessin, qui est déjà à peu près deux fois plus de la médiane française. Et qui peut préconstruire une idée du marché de l'emploi qui est entièrement fausse. Et, il suffirait de traverser la rue pour avoir un emploi. Exactement, et peut-être même que cette vision est répandue dans beaucoup de classes dominantes et pourrait cacher les difficultés, là c'est avec trouver un emploi, mais ouais, de trouver un emploi, de s'adapter aux codes sociaux du marché de l'emploi français, qui n'est pas forcément du tout les mêmes qu'ailleurs, et même de la construction du rapport au travail, qui est quelque chose qui est aussi une construction socio-culturelle qui se fait durant les études, et la classe préparatoire influence de façon majeure la façon dont le travail est vu, dont l'engagement dans le travail est vu par les classes dominantes qui sont issues de ces classes préparatoires. Mes parents viennent de Marseille et de familles respectivement qui sont à peu près du même milieu. Mon grand-père était matelot, ma grand-mère était prof de français dans une petite école privée et religieuse d'un côté, et de l'autre côté ma grand-mère aidait dans un magasin, mais mon grand-père était contrôleur des impôts. Bon, c'était vraiment de la petite, toute petite bourgeoisie, je pense. Et surtout très inéduqué, aucun albac. Et mes parents, eux, ont fait leur prépa à Marseille et ont réussi tous les deux le concours de Ulm, de l'ENS. Ils n'ont pas fait l'ENA, ils n'ont pas continué dans cette carrière-là. Mon père est entré genre journaliste musique au Monde et ma mère était journaliste à Marie-Claire. Donc ils ont vraiment été dans l'opposé. Après, ils ont continué leur carrière de journaliste. Donc qui leur a permis de gagner leur vie très convenablement et de payer un appartement qu'on louait dans le 5e, on donne sur le Val-de-Grâce. C'est un appartement de 80 mètres carrés avec un 3 pièces, etc. Mais avec du bordel, des bouquins, des journaux, un piano. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un appartement de bobo, en fait. Mais on n'était pas... je dois être le seul de mes amis dont les parents ne sont pas propriétaires, par exemple. Toutefois, vous dites qu'ils sont atypiques pour l'école normale supérieure. Toutefois, ils déménagent du 11e pour que vous soyez dans le 5e et ils tiennent à ce que vous soyez dans un bain qui potentiellement vous autorise à entrer dans ce type d'institution. Oui, pour tout vous dire, quand j'ai dit à ma mère que je parlais là, faire une interview sur les héritiers, etc., elle était catastrophée. Pour elle, c'est presque comme une trahison, je joue contre elle, enfin presque, parce qu'elle, elle est tellement pas une héritière. Et avec mon père, ils ont tellement même souffert quand ils étaient à l'ENS. Elle me dit, pour elle, son souvenir, c'est ces gens qui étaient, et ce que j'ai fait moi, qui prenaient pas la chambre de l'ENS, mais qui utilisaient leur salaire pour se payer des studios. Parce qu'ils voulaient pas vivre dans les turnes, dans les pioles de l'ENS. Et elle me disait, c'était ces gens-là qui étaient des Parisiens, qui nous parlaient pas, etc., et qui vivaient entre eux. Et donc ma mère, elle était catastrophée. Elle me dit, mais c'est terrible de voir que t'es passé de l'autre côté, quoi. Elle me dit, t'es pas un héritier. Elle me dit, t'es pas un héritier. Je lui dis, mais un petit peu quand même, en rigolant. Je lui dis, si, un petit peu. Et elle le voyait pas vraiment. Elle me dit, mais c'est pas possible. On a tout fait pour que tu le sois pas. Et moi, je lui ai répondu, vous avez tout fait pour que je le sois pas. Non, absolument pas. Vous m'avez fait grandir ici. Vous m'avez fait jouer dans la cour de l'ENS. On habite à 100 mètres de l'ENS. On peut pas dire que vous ayez pas fait. Elle me dit, mais c'était vraiment pas conscient, quoi. On voulait vraiment pas. Et limite, ce qui était terrible, c'est que ça la dégoûte un peu. C'est qu'elle me dit, mais j'ai pas du tout envie que tu sois ces gens-là qui nous ont fait sentir qu'on n'était pas de là. Elle est persuadée que je suis pas un héritier, ma mère. Mais je trouve que ça montre la complexité de l'étiquette sociale, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'ai des amis, pour le coup, normaliens, qui vont chez le grand-père normalien, dans la grande bibliothèque du grand-père. Vous avez vraiment des lignées comme ça. Moi, on allait chez ma grand-mère, c'était pas l'ambiance, quoi. C'était à Marseille, ça crie partout, c'est une famille immigrée d'immigrés italiens à l'origine, ça fait du bruit, etc. On mange des pâtes, les trois, tous mes cousins, pour le coup, qui s'en foutent complètement, quoi, normal sup ou faire une. Enfin, voilà, j'ai pas été. Ma famille autour de moi n'était pas dans ce truc-là. Mais cette ambivalence, je l'ai moi-même, je pense qu'on l'a. C'est une espèce de réflexivité sur soi et même du coup de parfois d'être un peu clivé quoi, de dégoût sur soi aussi. On a je suis de gauche, j'ai aucun problème à dire que voilà que je vote même très à gauche et pourtant en même temps dès qu'il s'agit de sujets d'éducation par exemple, c'est comme pour mes parents. Quand je vous dis mes parents, ils étaient de gauche, ils voulaient l'école publique mais ils m'étaient quand même dans le cinquième. Bah, moi c'est pareil, c'est-à-dire que je mettrai jamais mes gosses dans le privé. Mais dès qu'il est question de culture, d'éducation, je dois me faire violence pour être vraiment toujours très à gauche. Ce que je veux dire c'est que c'est pareil sur ma conscience d'être un héritier. C'est-à-dire que d'un côté, oui, je le vois parce que bah, les faits sont là. Et en même temps, bah, j'ai pas tellement envie, moi-même. Enfin, je trouve pas ça tellement classe, quoi, quand je raconte. Enfin, je trouve que c'est un peu. Vous voyez, c'est dire oui, bah, j'ai fait normal sup, mes deux parents ont fait normal sup. Bon, bah, bravo, quoi. C'était. Enfin, voilà, c'est pas. C'est, du coup, ça minimise un peu le succès, quoi. Stéphane Benveniste, vous êtes économiste, vous avez travaillé sur la reproduction sociale dans les grandes écoles et vous évoquez la notion de plancher de verre. Qu'est-ce que c'est ? Être enfant d'une personne qui a fait une très grande école, tous ne rentreront pas dans les écoles les plus prestigieuses, mais pour beaucoup, en fait, une stratégie éducative va être mise en place assez tôt qui va faire que, en fait, leur propension tout simplement d'entrer dans ces écoles les plus prestigieuses qui vont permettre d'accéder aux postes les plus prestigieux et sans commune mesure avec quelqu'un qui viendrait d'un autre milieu social. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait cette analyse d'hétérogénéité selon les différentes écoles, on voit qu'en fait, les enfants ont tendance à reproduire exactement ce que font leurs parents. Donc, c'est-à-dire qu'on trouve des taux d'admission relatifs de 80 fois plus de chances d'entrer dans une des 10 grandes écoles quand son père a lui-même étudié dans l'une des 10 grandes écoles. Mais si on se focalise sur une école en particulier, on trouve des magnitudes bien supérieures. Donc, si je prends, par exemple, les gens nés entre 1971 et 1995, hein, qui ont étudié relativement récemment dans ces écoles-là, donc qui sont entrés dans les écoles, en fait, plutôt entre 1991 et 2015, on voit que... Avoir un père, par exemple, qui a étudié à l'ENA procure 330 fois plus de chances d'admission à l'ENA. Avoir un père qui a étudié à Polytechnique procure aussi environ 300 fois plus de chances d'entrer à Polytechnique. Donc, il y a des dynasties, finalement, de personnes qui ont fréquenté les bancs des grandes écoles. Il y a des familles qui réussissent à maintenir leur progéniture dans les grandes écoles françaises successivement pendant plusieurs générations, effectivement. Et dans mes travaux, donc j'utilise le nom de famille comme un marqueur d'origine géographique. On est capable très clairement de mesurer les chances relatives d'admission selon la région de naissance. Et ce que j'observe, c'est une démarcation très nette d'un axe nord-est-sud-ouest, donc entre Strasbourg et Toulouse, disons. Et donc les régions du nord-ouest de la France, en fait, ont connu une baisse de leurs chances d'accès aux grandes écoles les plus prestigieuses au cours du XXe siècle. Si je prends le cas de la Picardie, c'est assez notable. Donc au tout début du XXe siècle, les gens qui naissaient en Picardie avaient autant de chances de rentrer dans les grandes écoles que le reste de la population française. Alors que pour les gens qui sont nés à la toute fin du XXe siècle, on a 5 fois moins de chances pour les gens nés en Picardie d'accéder à une des grandes écoles les plus prestigieuses en France. Mais ce qui est le plus marquant, disons, c'est quand même encore l'Île-de-France et donc l'accès des franciliens à ces grandes écoles qui effectivement sont localisées à Paris, où là on a jusqu'à 5 à 6 fois plus de chances d'accès aux grandes écoles pour les étudiants franciliens. Et si on zoome encore un peu plus sur la capitale elle-même, les taux d'admission explosent. Les Parisiens représentaient un peu plus d'un tiers des diplômés des plus grandes écoles françaises au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est près de la moitié des étudiants de ces grandes écoles-là. Je me suis jamais senti assigné, mais c'est pire. À la limite, mes grands-parents, qui n'étaient pas du tout de ce milieu-là, ils m'assignaient. C'est-à-dire qu'ils me demandaient d'avoir des bonnes notes, il fallait que je raconte mon bulletin scolaire. Mais ils m'assignaient, je faisais le taf, puis je leur rendais le truc. Chez mes parents, ça a toujours été beaucoup plus insidieux. C'est-à-dire que j'ai quasiment jamais eu de contraintes, et notamment scolaires. Tant que je faisais mes devoirs, ça allait. Si j'avais besoin d'aide, on m'aidait. Si j'avais une mauvaise note, on m'engueulait pas, mais on va reprendre le contrôle. Et je me suis jamais senti assigné par mes parents à réussir scolairement ou à faire quoi que ce soit. Mais c'était presque pire parce que dès que j'avais genre 11 ou 12, je pleurais dans les toilettes du collège à un moment quand j'étais tout petit parce que j'avais, je me rappelle d'un 8 en SVT. J'étouffais mes larmes et tout pendant le cours. Et puis j'étais allé pleurer tranquillement aux toilettes. Après un contrôle de maths, il y avait aussi, j'ai eu une mauvaise note au collège une fois et je me suis mis à pleurer pareil. Et la prof m'a vu et la prof a appelé mes parents après en disant, mais attendez, vous lui mettez peut-être trop la pression. Et ma mère disait, mais c'est horrible, je ne lui mets absolument pas la pression. Il ne s'est jamais fait engueuler pour une seule note. J'en déduis que la pression, je me la mettais tout seul. Ben, quand j'avais 8 en maths, du coup, je me sentais hyper coupable, mais j'avais l'impression de trahir mes parents, quoi. Mais personne n'y est pour rien, consciemment. C'est ça qui est le plus terrible. Et que personne n'aurait voulu même m'assigner à quoi que ce soit. Ma mère, elle m'a toujours répété, il faut que tu sois un peu bon à l'école pour avoir le choix de ce que tu veux faire. Elle me disait, l'idée, c'est que tu aies le choix, et que tu aies le choix même de quitter l'école. C'était sa grande obsession. Que j'ai tous les possibles ouverts. Mais en fait, en disant ça, c'est déjà une lettre morte, parce que en fait, c'était tellement valorisé, l'école. Donc, cette deuxième année, je l'ai faite en MP étoile. Donc, c'est les classes de mathématiques et physique. Donc étoile, c'est pour dire que les professeurs en général vont un peu plus loin que le programme. Et il y a ce moment où on est réduit à une note et qui est assez violent pour des étudiants ou des lycéens. Et ce phénomène de violence du classement, il se retrouve même à l'école polytechnique où en sortie de l'école polytechnique, on est également classé. Et ce classement définit notre droit d'accès au corps de l'État, donc au job de fonctionnaire en sortant de l'école polytechnique. Et en particulier aux trois corps techniques civils, donc corps de l'INSEE, corps des mines et corps des ponts. Et la qualité de servir l'État pour un étudiant de polytechnique est réduite à son classement, donc à ses notes en mathématiques et en physique. Donc il y a quelque chose de... je sais pas si c'est de la compromission, mais d'acceptation de ce système de notation et de classement, et de classement en particulier. C'est quelque chose qui est aussi... Au-delà de la notation, qui est le fait de comparer les gens et d'avoir cette notation finale, qui est ce classement final, basé sur ce qu'on a écrit sur des bouts de papier, quoi. Donc, ce qui révèle peut-être pas l'entièreté des capacités des personnes, ni de la réalité des personnes. Et je pense que ce qu'on cherche aussi en école d'ingénieur, c'est des capacités de réflexion, de mise en perspective, des capacités de remise en question, d'esprit critique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à capturer avec des notes, même si les oraux participent un peu à ce jugement un peu plus qualitatif. À la fin, tout ça est synthétisé par un vilain chiffre. Anne-Fleur Gol, on se retrouve dans un jardin d'enfants, à quelques pas de la gare du Nord, d'où vous allez partir pour Londres, donner une conférence à Oxford, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Comment ça s'est passé, votre scolarité ? Scolairement, plutôt une très bonne élève, toujours en tête de classe, un peu, après plus tard je pense dans mon adolescence, à me battre contre le cliché que je pouvais avoir, la petite blonde très bonne élève, je trouvais que ça correspondait pas du tout à ma personnalité, et ensuite en dehors de l'école, beaucoup d'activités, tester différents sports, j'ai fait sport-études en gymnastique rythmique, j'ai fait beaucoup de musique, donc à être pas mal active, à sortir avec mes amis, à toujours faire énormément de trucs. Donc j'ai fait ma prépa à Louis-le-Grand, à Paris, pendant 2 ans. J'ai passé 2 excellentes années humainement, en tout cas, enfin j'ai vraiment... Et donc j'ai intégré HEC suite à ça. J'étais pas du tout première de classe en prépa, mais j'ai réussi à intégrer HEC, donc c'était bien. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents ? Mes parents sont ingénieurs, tous les deux, de formation. Ma mère travaille dans la biotech, donc fait des biotechnologies, crée des nouveaux médicaments. Et mon père est cadre chez ADEO, donc le groupe de Laura Merlin. Des deux côtés, mes grands-parents étaient classe moyenne. Mes deux grands-pères étaient aussi ingénieurs, mais vraiment, ils ont fait leur carrière chez IBM en montant au fur et à mesure, mais... Voilà, plutôt classe moyenne, mais mes parents sont les premiers à avoir fait une prépa et à avoir fait une grande école. Ils se sont rencontrés aux mines de Paris. Et ensuite, ils ont du coup mené leur vie en tant qu'ingénieurs sortis des mines de Paris en habitant à Lille. Dans la manière dont ils considéraient mes études, ils m'ont jamais inculqué que ce qu'il fallait, c'était être ambitieux, aller le plus haut, aller le plus loin, être le plus fort, etc. C'était plutôt réussir à être au maximum de mes capacités. Donc par exemple, ils n'ont jamais regardé pendant mes études mes classements ou comparé aux autres, ou à la moyenne générale même, ou à quoi que ce soit. C'était plutôt, si t'as tout compris, pourquoi t'as eu 14 sur 20 ? Enfin, t'as tout compris. Donc quelle erreur d'inattention a fait que tu t'as pas eu plus ? Donc c'était vraiment centré là-dessus. Et ensuite, pour la suite des études, vraiment autour de l'épanouissement personnel. Donc deux grands-parents ingénieurs, des parents qui ont fait les mines, c'est quand même un sacré bain déterminant. Vous en avez conscience de ça ? Oui, j'en ai conscience, mais je considère que ça se manifeste plus sur les valeurs et la manière de réfléchir que sur les études et le métier que je fais. Je considère que dans ma famille, on réfléchit de manière très très logique aux choses. On va toujours argumenter, dire si on prend telle décision, c'est pour ça, pour ça, pour ça. Et c'était vraiment plutôt dans le raisonnement et dans les valeurs de vraiment se dire il faut travailler pour avoir ce qu'on a. Les choses ne sont pas acquises. En revanche, vraiment, j'ai pas ressenti, moi, personnellement, du tout de pression à avoir une carrière brillante, à avoir... Et toujours aujourd'hui, quand mes parents en parlent, ils disent pas du tout c'était quelque chose qu'on souhaitait plus que tout. Ou d'ailleurs, c'est un indicateur pour signifier la réussite de nos enfants. Enfin, on voit ça plutôt comme du bonus, parce qu'il s'avère qu'ils sont heureux. Donc c'est ça qu'on considère comme étant plutôt une réussite aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, plutôt qu'ils ont fait une grande école. Comment est-ce qu'on explique la résistance du credo dans la méritocratie ? On explique la résistance de la croyance méritocratique par le simple fait que il y a toujours des inégalités sociales à justifier et qu'il y a toujours pour ceux qui occupent une position dominante un profit symbolique à tirer de leur position en montrant qu'elle est juste, qu'elle est légitime et que donc ils sont bien là où ils doivent être et que donc les autres aussi, les dominés, sont bien aussi là où ils doivent être. Donc voilà, il y a une manière aussi, je pense, très facile d'expliquer ce phénomène, c'est que il laisse toujours l'espoir, la possibilité à ceux qui n'ont rien de s'élever socialement, d'autant plus dans un contexte où politiquement, il est très difficile d'envisager pour beaucoup de gens qui occupent des positions subalternes des issues heureuses, des alternatives. Donc le reflux des mouvements protestataires, l'affaiblissement des solidarités de classe, la difficulté aussi à se mobiliser qu'on observe dans un grand pan de la société française, en tout cas ceux qui occupent des positions subalternes, va dans le sens, quelque part, de cette croyance dans une amélioration possible. Hein. C'est plus facile, quelque part, d'y croire que de croire dans une société beaucoup plus égalitaire ou de croire dans des augmentations générales de salaire, par exemple. Il y a d'un côté un chantier collectif et de l'autre une hypothèse individuelle. Oui, complètement, et c'est pas nouveau. Je dirais que depuis les débuts de la conception moderne de la méritocratie républicaine, donc depuis la Troisième République, grosso modo, il y a toujours eu à la fois une tension entre à la fois ce désir de s'élever individuellement et puis le projet collectif d'une émancipation, notamment culturelle, qui passait pas nécessairement par l'école et encore moins par les grandes écoles. Plus le modèle d'une scolarité longue s'est généralisé à de plus en plus d'individus et de groupes sociaux, et plus, par ailleurs, la combativité, la capacité de résistance du mouvement ouvrier, du camp progressiste, pour faire vite, plus cette capacité s'est affaiblie, plus la croyance à un salut individuel, voire individualiste, a progressé. Qu'est-ce que font de leur diplôme les étudiants de ces grandes écoles ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forme, ce que j'appelle un double dividende, c'est-à-dire que les enfants de l'élite, à la fois rentrent avec plus de probabilité dans les grandes écoles, mais aussi ils font davantage de leur diplôme des grandes écoles. Si on prend un diplômé de l'ENA, si son père a lui-même été membre aussi de l'élite politique, donc à savoir un président de la République, ministre, ou député ou sénateur, il a 37 fois plus de chances de lui-même accéder à cette élite politique de niveau national qu'un autre diplômé de l'ENA. D'avoir un mandat. d'obtenir un mandat ou d'être nommé au gouvernement. Oui. Vous avez également, Stéphane Benveniste, travaillé sur la Légion d'honneur. Oui, avec deux co-auteurs, donc Marc Sangnier et Renaud Coulon. Donc on a travaillé sur les interactions entre l'élite politique et l'élite économique. En fait, ce qu'on sait, c'est que sur les bancs des grandes écoles naissent en fait des réseaux. Et donc, quand un diplômé d'une grande école accède au gouvernement français, ses camarades de promotion qui sont dans l'élite économique ont 61% de chances en plus de recevoir une Légion d'honneur de la part de leurs camarades de promotion ou d'un de ses collègues. On pourrait tirer un petit peu la chose en disant que puisqu'on a davantage de chances d'entrer dans une grande école quand nos parents ou notre père a lui-même été étudiant d'une grande école, en fait, on hérite la présence sur les bancs des grandes écoles et donc, dans un sens, on hérite une probabilité supérieure d'obtenir la Légion d'honneur. Et si on tire vraiment la chose, on pourrait se dire qu'on hérite un petit peu de cette Légion d'honneur. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une hausse des rendements anormaux, donc de la valeur boursière des entreprises dont les dirigeants sont décorés, après une décoration. Et nous, notre interprétation, c'est qu'en fait, la Légion d'honneur est un signal de l'accès d'une entreprise, via ses dirigeants, à un dirigeant politique. Et cet accès à un dirigeant politique provoque une embellie boursière de 0,21% après 2 jours et jusqu'à 0,45% après 5 jours. Et ça correspond à donc environ 15 millions d'euros de valeur boursière supplémentaire pour les entreprises dont les dirigeants sont décorés de cette Légion d'honneur. Monsieur Tsiji, vous êtes très bien sorti de Polytechnique. Vous avez intégré l'ENA du premier coup, sans passer par Sciences Po, je vous félicite. Avez-vous un souhait particulier pour votre stage ? J'aimerais voir du pays. Une ambassade, donc ? Non, monsieur, une petite préfecture. Monsieur de Sigy, 25 ans, préfère une petite préfecture à une grande ambassade. On peut savoir pourquoi ? J'ai déjà fait 3 fois le tour du monde. En revanche, la France profonde, je ne connais pas. À quelle activité vous vous destinez maintenant ? C'est une très bonne question à laquelle j'ai pas de réponse préconçue. Je me vois de plus en plus travailler dans la fonction publique, qu'elle soit territoriale ou centrale, parce que j'ai l'impression que c'est là que je pourrais contribuer le plus au bien commun, pour le dire un peu grossièrement. Et notamment via le fait de pousser les sujets environnementaux, donc à la fois dans la construction d'une planification écologique, quelque chose qui a été poussé ces derniers temps, et j'ai l'impression majeure que l'État parle beaucoup d'une planification long terme, mais ne se dote pas des moyens de la faire. Et c'est marrant parce que cette construction un peu politique et intellectuelle qu'il y a derrière la planification, c'est quelque chose qui renvoie aux années 60, mais dont la situation en termes de compétences de l'État n'est pas du tout la même. Dans les années 60-70, rien que côté polytechnique, le constat qu'on fait, c'est qu'il y avait 300 étudiants par promo, donc beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais 150 places dans les corps techniques, donc des étudiants qui allaient travailler pour la fonction publique. Aujourd'hui, il y a plus de 550 étudiants à l'école polytechnique en cycle ingénieur, mais uniquement 50 places dans les corps techniques. Donc il y a une division par 3 du nombre de places qui sont accordées dans la fonction publique aux étudiants de polytechnique. Et qu'est-ce que ça dit, cette évolution ? Bah, je pense que ça en dit gros de l'impact des années 80 et de la doctrine friedmanienne sur la façon dont est géré l'État aujourd'hui et dont sont gérées les ressources humaines de l'État aujourd'hui. Vous voulez dire la doctrine libérale ? Tout à fait. Ça montre de façon majeure la façon dont l'État s'est déchargé d'un certain nombre de ses prérogatives. Avant, il y avait un ministère de l'équipement. Maintenant, le ministère de l'équipement est un tout petit morceau du ministère des Transports qui est un morceau du ministère de la Transition écologique. Donc il y a des sujets majeurs qui sont encore aujourd'hui des prérogatives de l'État, pourtant qui sont quand même les transports ferrés, bon même si ça commence à diminuer, mais même sur l'énergie, on voit qu'il y a eu une absence d'investissement pendant 30 ans dans l'appareil de production électrique nucléaire, et aujourd'hui on en récolte les frais. Et aujourd'hui on parle de construire plus d'une dizaine de centrales nucléaires en France. Je suis bien curieux de voir où est-ce qu'on va aller chercher les compétences pour construire ces centrales. Depuis longtemps, on constate que les étudiants se désintéresseraient des corps techniques, donc de la fonction publique à l'école polytechnique. Mais ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Sur les 5 dernières années, il y a peut-être un effet à la fois répercussion de la crise de 2008 et crise de l'euro, et beaucoup plus récemment, crise du Covid. Il y a un regain d'intérêt majeur des étudiants de polytechnique pour les corps techniques, disons, pour aller travailler dans la fonction publique. Moi, je voulais être avocat à un moment, je voulais être comédien. Parfois, je trouve mon métier intensément ennuyeux. J'ai fait du théâtre beaucoup. J'ai arrêté parce que je jouais peut-être suffisamment bien pour cachetonner, quoi, et cachetonner un peu, faire deux, trois figurations, gagner à peu près ma vie. Mais je me disais, mais je vais jamais être aussi bon là-dedans que ce que j'étais bon pour passer un concours et pour, voilà, là où je savais que je pouvais être dans les meilleurs. Dans l'autre, j'allais pas être dans les meilleurs. En fait, la prépa a pris la place petit à petit dans ma tête. Et je me disais, bah, j'aime le français, j'aime l'histoire, j'aime la philo. L'institution est bien faite, elle vous donne des récompenses, pour que, un petit peu des sucres, quoi, pour que vous continuiez. J'ai eu un 10e prix au concours général de philo. Je suis tellement bon à l'école. Et donc là, il y avait cette espèce de truc de, bon, bah, c'est presque la voie de la facilité, en fait. Ça paraît... Ça m'énerve aussi sur moi-même de dire, d'en être à dire que l'ENS était la voie de la facilité, mais c'était la voie, en tout cas, la plus rassurante. C'est la voie de votre socialisation ? Voilà, c'était la voie de ma socialisation, c'est vrai. C'était la voie pour laquelle j'étais préparé. Mais après, j'aurais pu faire une autre école, même au sein d'un truc élitiste, j'aurais pu en choisir une autre, quoi. Et ce serait plus facile à suivre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment ridicule, c'est le côté la même école que papa-maman. C'est pas mes parents sont polytechniciens, je suis normalien. C'est genre, mes parents sont normaliens, je suis normalien. J'espère que mes enfants le seront pas, quoi. Voilà, mais... Vraiment ? Sincèrement ? Si je suis sincère, sincèrement... C'est une vraie question, est-ce que j'ai envie que mes enfants... Est-ce que, par exemple, si là, fictivement, l'idée de mes enfants, j'ai envie qu'ils soient normaliens ? Non, je pense pas. Le mérite en héritage. Les écoles du pouvoir. Avec Raphaël Baquet, Paul Pasquali, Stéphane Benveniste, Gabriel, Adam, Anne-Fleur Goll. Conseiller musical Antoine Villoz. Attaché de production Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination Perrine Kervran. Un documentaire de Rémi Dubowski-Douat. Réalisé par Anne de Pelchin. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie. Une grande traversée de Matteo Caranta et Anne-Thérèse Franchini sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.